بسم الله الرحمن الرحيم. ندخل اليوم في الحديث 71، 71e حديث. Et qui est le dernier hadith du chapitre de إقامة الصفوف. يقول رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: بت عند خالتي ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فقمت عن يساره فأخذ برأسي فقامني عن يمينه. Donc عبد الله بن عباس c'est qu'il a passé la nuit chez sa tante maternelle, Maymouna, c'est-à-dire l'épouse du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam s'est levé pour sa salat la nuit. Donc lui, il est venu pour la faire avec lui. Et il s'est placé à la gauche du Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc il a dit, il m'a pris par la tête et il m'a placé à sa droite. Et sûrement qu'il a fait passer par derrière lui et non pas par devant lui, car il n'est pas permis de passer devant celui qui fait la salat, entre lui et la soutra. Donc il a dû le prendre quand même en le tenant par la tête, doucement, et le placer à sa droite en le faisant passer par derrière lui. Il dit, Rawi Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhu, sabaka tarjamatu fil hadith, rukm sadis achar. Donc le rapporteur c'est Abdullah ibn Abbas. Et sa tarjama a été citée dans le 16e hadith. Yaqul mawdu' al-hadith. Bayan mawqif al-ma'mun al-wahid. Donc maintenant le hadith a pour sujet de montrer où se place celui qui préside en salat et qui est seul. D'accord, celui qui est seul. Et non pas en groupe. Donc là on l'a vu, il se place à la droite de l'imam. Et cela revient à ce qui a été dit hier dans le hadith de Anas. Lorsqu'il a fait la salat, lui et sa mère, on n'était pas seul, mais on était le seul homme. Donc il l'a mis à sa droite. Yaqulu fi shar' al-ijmali. Le sens global du hadith. Kan ibn Abbas radhiyallahu anhuma hadithan ala al-ilm wa tatabba' mawaradahu haythu kanat. Donc ibn Abbas est une personne qui était très attachée à la science et qui ne perdait pas une occasion d'apprendre. Fa ightanama fursa الليلة التي يكون فيها النبي صلى الله عليه وسلم عند خالته ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وها هو يحدث عن نفسه أنه بات عندها ليشاهد صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. Donc là, il a saisi l'occasion d'une nuit où le prophète صلى الله عليه وسلم était chez sa tante maternelle qui est Maymouna, c'est-à-dire la femme du prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم. Comme il avait plusieurs femmes, il passait des nuits à des endroits différents. Donc là, c'était le soir, la nuit de Maymouna. Donc Ibn Abbas, il est venu. Il a saisi l'occasion. Et il raconte justement qu'il a passé la nuit là-bas, afin de pouvoir voir comment le Nabi sallallahu alayhi wa sallam fait la salat de nuit, pour apprendre. فَلَمَّا قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَلَاتِ قَامَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْهُمَا فَصَفَّ لِيَسَارِهِ وَمِنْ أَجْلِ أَنَّ الْيَمِينَ أَفْضَلُ وَأَوْلَى بِالتَّقْدِيمِ أَخَذَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَأْسِ ابْنِ عَبَّاسٍ فَجَعَلَهُ عَنْ يَمِينِهِ. Donc, il s'est levé, Ibn Abbas, pour faire salat avec lui, et s'est placé à la gauche du prophète, c'est-à-dire dans le même rang que lui, mais à sa gauche. Et du fait que la droite est meilleure et prioritaire, alors le Nabi sallallahu alayhi wa sallam l'a pris par sa tête, d'accord, et l'a placé à sa droite. Ce qui montre que se placer à la gauche n'est pas interdit, n'annule pas la salat, mais la droite, c'est préférable. Nos mâchères disent que même si quelqu'un se met à la gauche, la salat, elle est valable. Et même parfois, peut-être qu'il y a besoin de se mettre à la gauche. C'est possible qu'il n'y ait pas de place à la droite. En tout cas, la sunna, ce qui est meilleur de faire, c'est de se mettre à la droite. يقول فوائد الحديث, enseignement utile du hadith. حرص عبد الله بن عباس رضي الله عنهما على الفقه في الدين. Cela montre l'importance que donnait Ibn Abbas à apprendre la religion. D'ailleurs, c'est devenu parmi les imams de cette umma. Mais il a commencé depuis très très jeune. Depuis très très jeune, il était petit à ce moment-là. Et il a vécu longtemps. Ce qui fait qu'il a apporté beaucoup, beaucoup de khayr à cette communauté. Et le Nabi sallam lui a fait un dua. Il a dit Allahumma allimut ta'wil wa faqihu fi din. Un dua pour qu'il comprenne le Coran et qu'il comprenne la religion. Thaniyan jawaz mabit rajul fi bayt zawj qaribati. Idha lam yakun fi dhalika darar wa la ikhraj. Qu'il est permis à l'homme de dormir dans la maison de l'époux de celle qui lui est proche, de sa famille, tant que cela n'apporte pas de dérangement ni de préjudice. Cela est permis. car Ibn Abbas était le neveu de Maimouna. Donc c'est un mahram pour elle. Quoi qu'il en soit. Bien qu'il n'était pas baligh, mais apparemment il était moumayiz. C'est-à-dire l'âge de distinction. L'âge dans lequel normalement un enfant n'entre pas auprès des femmes. Rabi'an jawaz al-dukhul fi asna as-salat ma'a al-munfarid li tahsil al-jama'a. Cela montre qu'il est permis de rentrer dans la salat avec quelqu'un qui est déjà en cours de salat afin de faire en groupe. Quelqu'un fait la salat seul, toi tu le vois, tu veux faire une jama'a avec lui, il a déjà commencé, tu rentres avec lui. Tu ne dois pas attendre qu'il ait terminé ou quoi, tu rentres avec lui directement. Et cela donne la récompense de la jama'a, du groupe. Khamisan mashru'iyati al-haraka limaslahati as-salat ou jama'atiha, qui lui permet de faire des mouvements lors de la salat lorsqu'il y a un intérêt. A apporté, par exemple, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a pris Ibn Abbas par la tête et l'a placé de la gauche vers la droite. Donc, il a bougé, car il y avait un intérêt à faire cela. Non. Sadisan jawaz al-jama'a fi salat al-tatawwu, qui lui permet de faire en groupe une salat surrogatoire. Comme on en avait parlé la dernière fois, mais que cela ne doit pas être une habitude. Ce n'est pas une sunna en soi de le faire à chaque fois. Mais si une occasion se présente, il n'y a pas de mal à le faire. De temps à autre, à Kadam, mais pour qu'il y ait un intérêt, comme l'enseignement pour une personne, vous réalisez les cas. Non. Fait l'interview d'accord ou alhamdoulilah.